Ce n'est pas le bon moment. Oh, il y a trop de vent. Qu'est-ce qu'il attend? Je ferme les yeux, faites qu'il vienne me parler. Faites au fait bien chanter. Il est né d'un Big Bang, nébuleux brillant exempt, son bel aura tend. Je ferme les yeux, faites qu'il vienne me parler. Faites au fait bien chanter. Je veux qu'il me dise qu'à part nous y a plus rien, que je serai sa gourmandise pour la vie et plus loin. Na, na, na. Je chante son nom à tue-tête. Peut-être que je m'entête, il ne me voit pas. Son regard me traverse comme une pluie qui tombe à verse. C'est une pluie qui décourage, persistante à mon âge. Je suis toute seule à attendre. Tout défile et file avec les décors de ma vie. Je veux qu'il me dise qu'à part nous y a plus rien, que je serai sa gourmandise pour la vie et plus loin. Na, na, na. Je veux qu'il me dise qu'à part nous y a plus rien, que je serai sa gourmandise.